De retour à Genève, je passais 2 ou 3 ans chez mon oncle, en attendant qu'on résolût ce que l'on ferait de moi. Comme il destinait son fils au génie, il fit apprendre un peu de dessin et lui enseignait les éléments d'Euclide. J'apprenais tout cela par compagnie et j'y pris goût, surtout au dessin. Cependant, on délibérait si l'on me ferait horloger, procureur ou ministre. J'aimais mieux être ministre, entendez donc, pasteur, car je trouvais bien beau de prêcher. Mais le petit revenu du bien de ma mère, à partager entre mon frère et moi, ne suffisait pas pour pousser mes études. Comme l'âge où j'étais ne rendait pas ce choix bien pressant encore, je restais en attendant chez mon oncle, perdant à peu près mon temps, et ne laissant pas de payer, comme il était juste, une assez forte pension.